السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نكون في كور 24 de l'explication de résumé de Kitab al-Tawhid de Charles Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est arrivé à باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. L'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit que, chapitre, ce qui était rapporté concernant la sévérité de l'acte de celui qui adore Allah auprès de la tombe d'un homme vertueux, qu'en est-il alors s'il adore cet homme vertueux? Ou qu'en est-il alors s'il adore la tombe de cet homme vertueux? Puis il rapporte un dalil, Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. والحديث أخرج البخاري ومسلم وأحمد. شيخ الإسلام يدي حفظه الله تعالى، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. Dans l'authentique d'après Aïcha, Koum Salama a fait mention au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'une église qu'elle a vue en Éthiopie. Et ce qu'elle contenait, et ce qu'elle contenait comme image, c'est-à-dire comme représentation. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, cela, lorsque l'homme vertueux ou le serviteur vertueux parmi eux mourait, il construisait un lieu de prière. Ici le mot est utilisé mosquée, c'est-à-dire le lieu où on se prosterne, le lieu où on fait de la prière. Sur sa tombe et y façonnait ses images. Ceux-là sont les pires des gens auprès d'Allah. Cheikh l'Islam, Mohammed al-Wahhab, après apporter ce hadith, il dit une parole. Il dit, ceux-ci ont regroupé deux calamités, la calamité des tombes et la calamité des images. Dans l'explication de Cheikh al-Fawzan par rapport à cette partie du livre, il dit, Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, munasabatul babi li kitab al-tawhid, hiya bayanu أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد. Cheikh, il rapporte le rapport entre, ou il explique le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité, et il dit, c'est la mise en évidence que l'adoration d'Allah auprès d'une tombe est une voie ou un moyen vers l'association à Allah, qui va à l'encontre ou qui annule l'unicité. La biographie d'Umm Salama, Tarjamatu Ummi Salama, هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية ماتت سنة 62 هجرية رضي الله عنها. La biographie d'Umm Salama, c'est une mère des croyants, هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية, décédée en l'an 62 de l'Hégire, car le trio l'agré. Il explique les termes comme il fait à son habitude, Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, il dit « Dakarat l'innabi sallallahu alayhi wa sallam » Aï, fima radi mawtih. Dakarat l'innabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'elle a fait mention au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire lors de sa maladie avant de mourir. C'est-à-dire la maladie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. « Kanisatan bifath al-kaf wa kasri al-nun, ma'badu al-nasara » Kanisa, avec une fatha sur le kaf et une kasra sous le noun. C'est l'endroit d'adoration des chrétiens. Oulaïk, bifath al-kaf ou kasriha. Donc oulaïk, cela, c'était rapporté qu'une fatha sur le kaf ou une kasra sous le kaf. Al-rajul al-salih ou l'abdu al-salih. Hada wallahu a'lam shakku min al-rawi. Al-rajul al-salih ou. Ou ici, en arabe, c'est pour représenter un doute. Ou. Donc Cheikh al-Fawzan il dit Ar-Rajul Salih ou Al-Abd Salih, l'homme vertueux ou le serviteur vertueux. Cheikh al-Fawzan explique cela en disant ceci, et Allah le plus savant, est un doute de la part du rapporteur du hadith. Fa'a'ulai, ou plutôt tilka suwar, ici avant, il dit tilka suwar, ay allati dakarat Umm Salama. Tilka suwar, ces images-là, c'est-à-dire dont Umm Salama a fait mention. Fa'a'ulai il-akhir al-hadith. هذا من إلى آخر كلام المؤلف رحمه الله Donc après le hadith, si vous avez le livre en arabe devant vous, donc après le hadith s'arrête à Shirar al-Khalq indallah, d'accord? Et après ça, vous avez une parole qui commence par Faha'ula. Cette parole, ce n'est pas dans le hadith, c'est la parole du Cheikh al-Islam Mohamed al-Wahhab lui-même. Et en fait, Cheikh al-Fawzan, il va expliquer, et il dit Faha'ula ila akhirihi, c'est-à-dire depuis le début de la parole du Cheikh al-Islam Mohamed al-Wahhab qui est Faha'ula, jusqu'à la fin de cette parole, c'est à peu près une ligne chez moi ici, c'est une ligne. Il dit Hada min kalam Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dakara wal musannifu kat tawdih li ma'na al-hadith. C'est-à-dire Cheikh Islam Mohamed al-Wahhab, rahimahullah, il a rapporté cette parole qui en fait est une des paroles des Cheikh Islam Outaymiyyah avant lui. Et vous savez que Cheikh Islam Mohamed al-Wahhab, rahimahullah, il a beaucoup pris des Cheikh Islam Outaymiyyah, de ses ouvrages, etc., de son ilm. D'accord? Donc il dit, ceci fait partie des Cheikh Islam Outaymiyyah, rahimahullah, que l'auteur a cité afin de clarifier le sens du hadith. Donc ça ne fait pas partie du hadith en tant que tel. Al-ma'na al-ijmali lil hadith. Le sens général du hadith. أن أم سلمة وصفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ما شهدته في معبد النصارى من صور الآدميين فبين صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله اتخذوا هذه الصور هو الغلو في تعظيم الصالحين مما أدى بهم إلى بناء المساجد على قبورهم ونصب صورهم فيها. Ici vous avez un wow, un dhamma sur le wow, non? C'est une fatha qu'il faut. ثم بين حكم من فعل ذلك بأنهم شرار الناس لأنهم جمعوا بين محظورين في هذا الصنيع هما فتنة القبور باتخاذها مساجد وفتنة تعظيم التماثيل مما يؤدي إلى الشرك. Le sens général du hadith, c'est qu'Umm Salama, radiallahu anha, a décrit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était malade avant de mourir, ce qu'elle a vu dans les lieux de prière des chrétiens en termes d'image, de représentation d'êtres humains. Et donc il a expliqué, sallallahu alayhi wa sallam, la raison pour laquelle ils ont façonné ces images. Et c'est l'exagération dans la vénération des gens vertueux, ce qui les a amenés à construire des lieux de prière, des masajid, sur leurs tombes et d'y ériger des images. Puis il a clarifié, sallallahu alayhi wa sallam, le jugement de ceux qui commettent cela, en disant qu'ils sont les pires des créatures, car ils ont regroupé deux interdits dans cette action, qui sont la calamité de prendre des tombes pour lieu de prière, et la calamité de vénérer des représentations, ce qui amène à l'association à Allah Azza wa Jal. Munasabatul hadith lil bab. Le caractère opportun de cette preuve, de ce hadith, dans le chapitre qu'on a cité, qui lui-même est une partie du livre, une des parties du livre Kitab al-Tawhid, ou si vous voulez le rapport entre ce hadith et le chapitre qu'on est en train d'étudier ici, il dit أن فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذها مساجد لأن ذلك من فعل النصارى ومن فعله فهو من شرار الخلق. Le rapport entre le hadith et le chapitre. Il y a dans ce hadith l'indication claire de l'interdiction d'adorer Allah auprès des tombes des vertueux et de les prendre comme lieu de prière, car cela fait partie des actions des chrétiens. Et quiconque commet cela fait alors partie des pires des créatures. Maintenant, on a les enseignements tirés de ce hadith. Ma yustafadu min al-hadith. Awalan al-man'u min ibadatillahi inda qubur al-salihin. L'annahu wasilatun ila shirki wa min fi'li al-nasara. Le premier enseignement qu'on cite ici, l'interdiction d'adorer Allah auprès des tombes des vertueux. Car c'est une voie, un moyen vers l'association à Allah, et cela fait partie des actions des chrétiens. Deuxième enseignement, deuxièmement, parler de ce qu'en font les mécréants afin que les musulmans y prennent garde. La mise en garde contre le fait de prendre des images et d'ériger des représentations, car c'est une voie vers l'association à Allah. Quatrièmement, أَنَّ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ فَهُوَ مِنْ شِرَارِ الْخَلْقِ وَإِنْ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ. Quiconque construit un lieu de prière auprès d'une tombe d'un homme vertueux fait partie des pires des créatures, et ce même si son intention est bonne. On continue dans le chapitre. Cheikh al-Islam, Mohamed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit وَلَهُمَا عَنْهَا قَالَتْ لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تفيق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit, et eux deux ont rapporté, c'est-à-dire le Bukhari ou le Muslim, d'après elle, c'est qui elle ici? Non. Qu'elle a dit, lorsque l'ange de la mort descendit sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se mit un vêtement à lui comportant des lignes sur le visage, qu'on appelle le khamisa en arabe, c'est-à-dire un tissu, un vêtement où il y a des marques, des genres de... Et ici, il explique chez l'achir, il dit al-khutut, c'est-à-dire des lignes. C'est comme un vêtement qui est ligné comme ça, ou une pièce de tissu qui est lignée. Et donc, il dit, il se met un vêtement à lui comportant des lignes sur le visage, et lorsque ce vêtement l'étouffait, il le retirait. Et il dit, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était dans cet état, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Il mettait en garde, ça c'est après le hadith maintenant, le prof, Cheikh l'Islam Mohammed Al-Wahhab, rahimahullah, il continue en disant, enfin c'est toujours le hadith, mais c'est pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mettait en garde contre ce qu'ils ont commis, et si ce n'était cette recommandation de sa part, sa tombe aurait été creusée en dehors de sa demeure, mais il fut craint qu'elle ne soit prise comme lieu de prière. Puis il a dit, akhrajahu, c'est-à-dire rapporté par les deux, évidemment ici c'est Bukhari ou Muslim. Cheikh Al-Fawzan explique cela en disant, walahuma, أي البخاري ومسلم وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه فلعله سبق قلم ولهما vous avez au tout début du hadith ولهما et eux deux ou chez eux deux c'est-à-dire البخاري ومسلم et cela suffit pour ne pas rajouter à la fin أخرجاه parce que vous avez vu vous avez لهما au début et puis à la fin vous avez encore marqué أخرجاه donc Cheikh l'Islam Mohammed Al-Wahhab il a marqué لهما au début pour dire que le hadith il est chez البخاري ومسلم puis après le hadith il a dit أخرجاه. Ils l'ont rapporté tous deux. Et Cheikh Fawzan, il dit, et cela suffit, quand il a dit au début, walahuma, ça le suffit pour ne pas rajouter à la fin, akhrajah, rapporté par eux deux. Mais peut-être que c'est un lapsus en écrivant. Hein, vous avez sabq al-lisan et sabq al-qalam. Sabq al-lisan, c'est comme quand tu as un lapsus dans la parole. Et sabq al-qalam, c'est quand tu as un lapsus en écrivant avec la plume. Anha, d'après elle, et ici, comme vous avez dit très justement, c'est Ay Aisha, radiallahu anha, c'est-à-dire Aisha, qu'elle a le très haut l'agré. Lamma nuzila, bidammin nun wa kasri zay, Ay nazala bihi malakul maut. Lamma nuzila, avec une damma sur le nun et une kasra sous le zay, c'est-à-dire lorsque l'ange de la mort est descendu sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Tafiqa. بكسر الفاء وفتحها أي جعل avec une كسرة sous le فاء ou aussi une فتحة c'est-à-dire il mit il plaça خميصة كساء له أعلام أي خطوط خميصة c'est un vêtement avec des marques c'est-à-dire des lignes j'ai un bon mot pour ça en anglais mais je l'oublie en français c'est patterns quand quelque chose il a des je sais plus comment c'est des par notre français là. Hein? Je n'ai pas réussi à trouver ce mot là. Comment on va dire ça des. Hein? Design. Design, c'est pas un mot français. Hein? Ah, non. Bon, il y a quelque chose sur le tissu. Et ici, je cherche ici des lignes. Des voilà. Motifs. Ouais, des motifs. Enfin, c'est un bon mot ça. Hein? Ça, c'est mieux ça. اغتم بها اي غمته فاحتبس نفسه عن الخروج اغتم بها c'est-à-dire qu'il le recouvre et que donc son souffle ne pouvait plus sortir كشفها il le retirait اي ازالها عن وجهه الشريف c'est-à-dire qu'il le retirait de son noble visage صلى الله عليه وسلم فقال وهو كذلك اي في هذه الحاله الحرجه يقاس شده النزع فقال وهو كذلك il dit alors qu'il était dans cet état c'est-à-dire dans cet état difficile alors qu'il endurait sallallahu alayhi wa sallam la difficulté de l'agonie la ubriza qabru ay la dufina kharij baytih ici c'est-à-dire la ubriza qabru j'oublie quelque chose non j'oublie deux parties ici yuhadhdhiru ma sana'u ils mettaient en garde contre ce qu'ils avaient commis. Ay, la'anahum tahdhira li ummatihi an tasna'a ma sana'u. Ils mettaient en garde contre ce qu'ils avaient commis, c'est-à-dire qu'il les a maudits afin de mettre en garde sa communauté de commettre ce qu'ils avaient commis. Et en parlant ici des juifs et des chrétiens. Walaula dhalik, si ce n'était cela, ay laula tahdhiru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mimma sana'u wa la'nuhu min wa la'nuhu man fa'ala. Walaula kadhalik, walaula dhalik, si ce n'était cela, c'est-à-dire si ce n'était la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ce qu'ils avaient commis et sa malédiction de ceux qui l'avaient commis. La ubriza qabru et la dufina kharija bayti. La ubriza qabru, c'est-à-dire que sa tombe aurait été creusée en dehors de sa demeure. Khashiya yurwa bi fath al kha bil bina lil fa'il fa yakun al ma'na anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam huwa alladhi amarahum bi 'adami ibraz qabrihi wa yurwa bi dhamm al kha bil bina lil maf'ul fa yakun al ma'na ayna as-sahaba hum alladhina khashaw dhalika falam yabrizu qabrahu. Ici dans la version que nous avons dans le livre, ici c'est khashiya. Cheikh il dit khashiya, il explique cela, il dit yurwa bi fath al kha. C'était rapporté qu'une fatha sur le kha, khashiya, bil bina'i lil fa'il. Ici, en arabe, on va traduire ça en disant en français que c'est une voix active. Contrairement à khushiya, qui est une voix passive. Vous voyez la différence ou pas? Non? Ça, c'est du français, ça. Hein? Si je te dis, akala at-tufah, il a mangé la pomme. C'est actif ou passif? C'est actif. C'est qui subit l'action? C'est la pomme. D'accord? Il a mangé la pomme. Et si je dis, ou qu'il a touffah? La pomme a été mangée. Ou bien, ou qu'il a touffah? Ou qu'il a le maouzou? Ce que vous voulez, moi, c'est. Hein? Pour faire un niqa sur les fruits, c'est juste pour. C'est dans la grammaire. Hein? D'accord? Ici, c'est la pomme est mangée. Ou a été mangée. D'accord? Donc ici, c'est une voie passive. C'est-à-dire que. En fait, subit l'action, si vous voulez. C'est juste pour expliquer ça. Mais ça joue sur le sens. C'est ça qui veut dire le cheikh ici. Il dit, donc quand c'est actif, c'est dans la voie active, il dit, « Anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, huwa alladhi amarahum bi'adami ibrazi qabrihi. » Khashiya, c'est-à-dire que c'est lui le sujet du verbe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Khashiya. C'est-à-dire c'est lui qui a craint. Donc il explique cela chez le Fawzan en disant, si on dit ça avec khashiya, c'est un verbe conjugué à la forme active et pas passive. Et le sens est que c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui leur a ordonné de ne pas creuser sa tombe en dehors de sa demeure. Et là, cela aussi était rapporté avec une dhamma sur le kha. Donc ça devient khushiya. D'accord? Il a été craint. C'est pas il a craint. Et c'est construit à la forme passive. Et le sens est alors que les compagnons sont ceux qui ont craint cela. Et n'ont pas creusé sa tombe en dehors de sa demeure. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على حماية التوحيد والتجنيب الأمة ما وقعت فيه الأمم الضالة من الغلو في قبور أنبيائهم حتى آلى ذلك بهم إلى الشرك جعل صلى الله عليه وسلم هو في سياق الموت ومقاساة شدة النزع يحذر أمته أن لا يغلو في قبره فيتخذه مسجدا يصلون عنده كما فعلت اليهود والنصارى ذلك مع قبور أنبيائهم فصلى الله وسلم عليه لقد بلغ البلاغ المبين. Le sens général du hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par diligence envers la préservation de l'unicité, et afin d'écarter la communauté de ceux dans lesquels sont tombées les communautés égarées, en termes d'exagération envers les tombes de leurs prophètes, jusqu'à ce que cela les amène à l'association à Allah, il a mis en garde sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était sur le point de mourir, et alors qu'il endurait la difficulté de l'agonie sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis en garde sa communauté de ne pas exagérer au sujet de sa tombe, et de ne pas la prendre comme lieu de prière, où ils prieraient, comme l'ont fait les juifs et les chrétiens, avec les tombes de leurs prophètes. Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Al-Fawzan, il a dit que la salutation de... Ou que la, les ulama, ils disent, quand on dit sallallahu, ils disent, wa thana Allah azza alayhi fil mala'il a'la. C'est une des explications, comme Abu Al-Ali l'a rapporté, que quand on dit salah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah fasse son éloge, auprès du malal a'la, l'assemblée la plus haute, c'est-à-dire auprès des malaïka. D'accord? Ça, c'est une des explications qui a été donnée par le Mashir. Il dit, il a certes transmis clairement le message, sallallahu alayhi wa sallam. Le rapport entre le hadith et le chapitre, مناسبه الحديث للباب, ان فيه المنع من عباده الله عند قبور الانبياء واتخاذها مساجد لانه يفضي الى الشرك بالله. Le rapport entre le hadith et le chapitre, il y a dans ce hadith l'interdiction d'adorer Allah auprès des tombes des prophètes et de les prendre comme lieu de prière, car cela amène à l'association à Allah Azza wa Jal. Les enseignements tirés de ce hadith. Ma yustafadu min al-hadith. Awalan, al-man'u min tikhad qubur al-anbiya'i wa salihin masajida yusalla fiha lillah. Lana dhalika wasilatun ila shirk. Premièrement, l'interdiction de prendre les tombes des prophètes et des vertueux comme lieu de prière dans lesquels on prie pour Allah, car cela est une voie vers l'association à Allah. Deuxièmement, ثانياً شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنائه بالتوحيد وخوفه أن يعظم قبره لأن ذلك يفضي إلى الشرك. La grande importance donnée par le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم à l'unicité et sa peur que sa tombe soit vénérée, car cela peut amener à l'association à Allah عز وجل. ثالثاً جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور واتخاذها مساجد. La permission de maudire les juifs et les chrétiens et ceux qui ont fait la même chose qu'eux en construisant au-dessus des tombes et en les prenant comme lieu de prière. Rabi'an, bayan al-hikmati min dafn an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi wa nadhalika liman 'iftitan bih. La mise en évidence de la sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enterré dans sa demeure, et c'est pour que les gens ne tombent pas dans une calamité à son sujet. Qu'ils ne soient pas éprouvés par une calamité à son sujet, alayhi salatu wassalam. Cinquièmement, خامساً أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الموت وشدة النزع. Que le prophète صلى الله عليه وسلم était un être humain auquel arrivait ce qui arrive aux autres êtres humains en termes de mort et de difficulté dans l'agonie. On continue dans le chapitre. Cheikh l'Islam Mohammed bin Al-Wahhab رحمه الله il dit, قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. L'auteur, qui est Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit: et dans l'authentique de Muslim, d'après Jundub bin Abdullah, qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 5. Certains ulama ont expliqué par 5 jours, d'autres par 5 ans, comme il veut dire Cheikh al-Fawzan, avant de mourir. Donc 5 jours ou 5 ans avant de mourir. Je m'innocente auprès d'Allah que l'un d'entre vous soit mon Khalil, ami proche. Car Allah m'a pris comme Khalil, ami proche. Et ce, comme il a pris Abraham comme Khalil, ami proche. Et si je devais prendre parmi les gens de ma communauté un ami proche, j'aurais pris Abu Bakr comme ami proche. Ceux qui vous ont précédé prenaient les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Ne prenez donc pas les tombes comme lieu de prière, car je vous interdis cela. De rapporté par un musulman. At-Tarajum, les biographies ici des compagnons qui sont cités. Awalan Jundub, huwa Jundubu ibn Abdillah ibn Sufyan al-Bajali, sahabiyun mashhur, mata ba'da sittin, radiyallahu anhu. Jundub, c'est Jundub ibn Abdillah ibn Sufyan al-Bajali, un compagnon célèbre décédé en 60 ou après 60, car le Très-Haut l'agré. Après 60 ans d'âge, peut-être ici, c'est comme ça que je l'ai compris, moi, Wallahu alam. Abu Bakr, Abu Bakr Siddiq, Abdullah ibn Uthman, ibn Amir, ibn Amr, ibn Ka'b al-Taymi, Khalifatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu sahabati bil ijma' mata sana 13 wa lahu 63 sana, radiyallahu anhu. Abu Bakr, c'est Abu Bakr Siddiq, le véridique. Et puis il rapporte son nom, il dit: il est Abdullah ibn Uthman ibn Amr ibn Amir, ibn Amr ibn Ka'b al-Taymi, le successeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le meilleur des compagnons selon l'unanimité des savants, décédé en l'an 13 alors qu'il avait 63 ans qu'Allah l'agré. Maintenant il explique les mots de vocabulaire dans le hadith. Bi khams ay khams layalin وقيل 5 سنين. خمس c'est-à-dire 5 nuits, il est aussi dit que c'est 5 ans. Inni abra'u ay amtani'u wa unkiru. Inni abra'u, je m'innocente, c'est-à-dire je m'empêche et je réprouve. Khalilan, al-khalil huwa al-mahboub ghayat al-mahabba. Al-khalil, c'est l'aimé du plus grand amour. Ala harf istiftah wa tanbih. Ala, c'est une préposition d'ouverture et pour attirer l'attention. Man kana qablakum, ya'ni al-yahoud wa al-nasara. Man kana qablakum, ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Yattakhidhuna qubura anbiya'ihim masajid. بالصلاه عندها واليها وبناء المساجد والقباب عليها والقباب عليها يتخذون قبور انبيائهم مساجد. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière en y priant et en priant vers elles et en construisant des lieux de prière et des dômes. Maintenant cheikh il explique حفظه الله تعالى المعنى الاجمالي للحديث. Le sens général du hadith, il dit يتحدث صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته إلى أمته بحديث مهم فيخبر عن مكانتي عند الله وأنها بلغت على درجات المحبة كما نالها أبو إبراهيم عليه أبوه إبراهيم عليه السلام ولذلك نفى أن يكون له خليل غير الله لأن قلبه امتلأ من محبته وتعظيمه ومعرفته فلا يتسع لأحد ولو كان له خليل من الخلق لكان أبا بكر الصديق وهو لكان أبا بكر الصديق هو إشارة إلى فضل أبي بكر واستخلافه من بعده. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن غلو اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم حتى صيروها متعبدات شركية ونهى أمته أن يفعلوا مثل فعلهم. Le sens général du hadith, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم parle juste avant sa mort à sa communauté en leur disant une parole qui est très importante. Il leur indique son statut auprès d'Allah et que son statut est au niveau le plus élevé parmi les niveaux d'amour, comme Abraham, son père, a aussi atteint ce statut. Et c'est donc pour cela qu'il a nié avoir un ami proche. On parle ici du prophète Abraham, hein, Ibrahim, alayhi salam. Et c'est donc pour cela qu'il a nié avoir un ami proche autre qu'Allah, car son cœur, alayhi salatu wassalam, s'est rempli de son amour, de l'amour d'Allah, et de sa vénération d'Allah, et de sa connaissance d'Allah. Et donc il n'y a de place pour personne d'autre. Et s'il avait un ami proche parmi les gens, alors ce serait Abu Bakr le véridique. Et ceci est une indication du mérite d'Abu Bakr et qu'il devait être son successeur après lui. Puis il a, sallallahu alayhi wa sallam, informé de l'exagération des juifs et des chrétiens envers les tombes de leurs prophètes, au point qu'ils en ont fait des endroits d'adoration polythéistes. Et il a interdit à sa communauté de faire de même. Le rapport entre le hadith et le chapitre. Munasabat al-hadith lil-bab. Anna fi an-nahy 'an ittikhadhi al-quburi amkinatan lil-ibadah, lanahu wasilatun ila ash-shirk. كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع. Le rapport entre le hadith et le chapitre, il y a dans ce hadith l'interdiction de prendre les tombes comme lieu d'adoration, car c'est une voie qui amène à l'association à Allah, comme le font les juifs et les chrétiens et d'autres parmi les gens des innovations religieuses. ما يستفاد من الحديث. Ce que l'on tire comme enseignement de ce hadith, أولا النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة يصلى عندها أو إليها ويبنى عليها مساجد أو قباب. Premier enseignement, l'interdiction de prendre les tombes comme lieu d'adoration auprès desquels on prie, ou vers lesquels on prie, et au-dessus desquels on construit des lieux de prière ou des dômes, et ce de peur de tomber dans l'association à Allah en raison de cela. Deuxième point, encore cette règle très importante de cette dara'i, c'est-à-dire de fermer les portes des voies qui amène à l'association à Allah. Thalithan, ithbat al-mahabbat lillah subhanahu ala ma yaliq bi jalalihi. L'affirmation de l'attribut d'amour à Allah de la manière qui sied à sa majesté. Thalithan, ithbat al-mahabbat lillah subhanahu ala ma yaliq. Non, thalithan, j'avais déjà lu ça. Troisième point. Quatrièmement, fadlul khalilain, Muhammad wa Ibrahim alayhim as-salam. Donc, quatrième enseignement tiré de ce hadith, le mérite des deux khalils, les deux amis proches, c'est-à-dire Mohammed et Ibrahim, alayhim as-salam. Cinquième point et cinquième enseignement ici, fadlu Abu Bakr al-Siddiq wa annahu afdalu l'ummati ala l'itlaq. Le mérite d'Abu Bakr al-Siddiq est qu'il est le meilleur de cette communauté, et ce de manière absolue, sans restriction. سادسا أنه دليل على خلافة أبي بكر الصديق. أبي بكر الصديق c'est une preuve du califat d'Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه وأرضاه. Et avec cela on a fini le cours pour aujourd'hui. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.